Celebaba Harvin. I say, baby, you're bad. Oh, oh, oh. I say, you are pretty and you know. Oh, oh. I'll take you for a ride in my Beamer. Oh, oh, oh, oh, oh. I say, you are a beautiful diva. Oh, oh, oh, oh. Oh, baby, n'écoute pas les ondes. Ces rumeurs qui se baladent dans l'air. Non, je ne suis pas un bandit, pas un bandit. Je me méfie plus de toi sous tes serres. Tu m'as l'air d'être un vrai danger. On dirait que tu sais comment faire pour mettre les cœurs en danger. Je connais ce genre de goût, tu sais. Elle te rend faya faya. Faya faya, eh. Elle peut t'endormir, elle te rend faya faya. Faya faya, eh. Ce genre de goût, elle te rend faya faya. Faya faya, eh. Va venir, elle te rend faya faya, faya faya. On l'appelle belle créative. I say baby you're bad. Oh, oh, oh. I say you are pretty and you know. Oh, oh. I'll take you for a ride in my Beamer. Oh, oh, oh, oh. I say you are a beautiful diva. Oh, oh, oh. Quand on la va passer de dos, tout le monde bégaye, tout le monde perd la tête. Elle rend fou les badauds, à en faire devenir athée, un prêtre. Comment pas se sentir en danger? Les gars m'ont pourtant dit de me méfier, mais je vais finir par succomber. Même si je connais ce genre de goût, tu sais, elle te rend faya faya. Faya faya, eh. Elle peut t'endormir, elle te rend faya faya. Faya faya, eh. Ce genre de goût, elle te rend faya faya. Faya faya, eh. La va venir, elle te rend faya faya, faya faya. Appelle per créative. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, girl, you blow my mind. Oh, you blow my mind. I love the way you fire on, girl. You got me so inclined. You got me so inclined. I get many plans for me and you. I get many things for me and you. Baby, will you dance to my rhythm and blues? Oh, dance to my rhythm and blues. Te rend faya faya, faya faya. Fire, fire, fire, anywhere you go, I'll be there. Fire, fire, fire.